En Corée, la place Kim Il-sung a abrité le 5 janvier le rassemblement des Pyongyang pour appliquer à fond les tâches de programme précisées dans le message de Nouvel An de cette année du dirigeant suprême Kim Jong-un. Sur la tribune d'honneur ont été présents Kim Yong-nam, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée et président du présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, le premier ministre Park Bong-joo, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du parti et vice-président du comité des affaires d'État, Choi Ryong-hae, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du parti, vice-président du comité des affaires d'État de la République et vice-président du comité central du parti, et d'autres cadres responsables du parti et de l'État, les permanents des organisations des travailleurs, les cadres des ministères et des établissements centraux, les officiels des organismes du parti et du pouvoir, des usines, entreprises et fermes coopératives de la ville de Pyongyang, ainsi que les héros et méritants. Kim Soo-gil, membre suppléant du bureau politique du comité central du parti et président du comité du parti pour la ville de Pyongyang, a fait le rapport. Il a qualifié le message de Nouvel An du dirigeant suprême Kim Jong-un de noble guide et de bannière invincible qui permettent d'honorer l'an 2017 par les plus grands événements nationaux et mérites héroïques, par le rehaussement de la force d'esprit et du moral révolutionnaire de tous les militaires et civils hautement animés. En soulignant que l'année dernière était une année des événements révolutionnaires et de grands tournants remarquables dans l'histoire du Parti du Travail de Corée et de la patrie, il a affirmé que la confiance absolue et la bienveillance du dirigeant suprême Kim Jong-un ont été la source de toutes les victoires. Ensuite, il a invité tous les cadres, militants du parti et autres travailleurs, à s'engager dynamiquement dans l'offensive générale pour achever la stratégie quinquennale d'État pour le développement de l'économie, sous le mot d'ordre militant, accélérons la progression victorieuse du socialisme grâce à la grande force motrice qu'est la détermination de nous renforcer par nous-mêmes. Pour terminer, il a appelé tous à s'efforcer énergiquement pour auréoler cette année significative de grandes victoires, en considérant le message de Nouvel An du dirigeant suprême Kim Jong-un comme credo de la vie et de la lutte, et atteindre le plus vite possible au grand objectif de l'édification d'une puissance socialiste présenté par le 7e congrès du Parti du Travail de Corée. Le rapport terminé, il y a eu les interventions des délégués de la classe ouvrière, des travailleurs agricoles, des jeunes et des intellectuels, suivis du défilé des Pyongyangois.